déchiré de la vitesse d'un jet privé, aussi long qu'une fusée. Dans ton boule, je suis ma boule, reste cool, reste cool, reste cool. Je me faisais être apprécié. Ma musique va déchirer, je suis la révélation de l'année. Mes lyrics vont faire mal, frère, trop longtemps attendre mon tour. Maintenant je saute les tours, moi dans ma tour, devant le MIC, je viens représenter et non me présenter à moi. La gloire, le pouvoir, la richesse, tout ce que je peux espérer derrière ma tête. Je veux être apprécié, voir ces salles de concert, noir de monde, rien que les gens se serrent pour voir mon concert. Je suis le cancer du rap français de la nouvelle année. J'espère que les gens vont acheter mon CD, qui ne peut l'espérer, et s'il marche pas tant pis, la vie continue, la vie est dure, je ferai tout ça pour que ça dure. Quand elle m'est pensée, j'ai la 20e année et j'ai envie de me tirer. Ma musique va déchirer, fini l'enfer, je veux connaître le paradis. C'est fini, j'ai laissé passer les années, regarde mon passé, tu diras ce son va déchirer. Je ne veux pas de votre pitié, je veux juste être admiré dans mes jeux de mots et arrêter les jeux de mots avec la popo. Mes lyriques font mal, brutal, clic clic pour les gens qui me critiquent et pas pour les gens qui ne m'aiment pas. C'est comme ça, si ça ne te va pas, c'est pareil. On m'a souvent coupé les ailes, toujours entre bas de l'aile. Maintenant je m'envole, te survole en oubliant les vols. Mais je fais connaître le viol avec mon son qui va déchirer de la vitesse d'un jet privé, aussi long qu'une fusée. Dans ton boule, je suis ma boule, je perds la boule, reste cool. Tu ne veux pas d'embrouille, laisse-moi et ma débrouille. Je te balance des lyriques de cette façon. Je te présente, me représente mon blason. Fini l'époque des contrefaçons, je viens déchirer avec ce son habillé en narcotique. Critique, la critique, je suis pas un addict avec leurs potes, les flics. Venez ici que je vous nie, lyrique avec moi, c'est des clics, clics, clac, ça ne va pas. J'ai l'inspi qui monte à la tête, ne me prends pas la tête. Laissez-moi écrire mes textes en complexe. J'écris mes quelques lignes sur un bout de feuille tout seul. Le son va déchirer, va faire le tour du monde. Ne faites pas de pile, tu ne veux pas que je vous enquille. Là je suis vénère, je vous la fais à l'envers. Tu peux faire ta prière, je te jure frère. Je te jure frère. Pourquoi on ne m'aime pas, ça ne te va pas, je veux un fou. Le dawa va sur vitesse, mets la gomme, ok cousin. Je suis malin, malin, malsain, assassin. Rien de bon, car quand je suis fond, fond, toujours à fond sur mes sons. Ok garçon, retiens bien mon blason. En mode hyper tension, de mes impressions. Je suis un mauvais garçon sans raison. De mes la pression au volant de ma vie. Je vois toutes ces raclures qui font tout pour que ma vie soit dure et pourrie. Je fais trembler la terre sous mes verres. On ne veut pas que je m'en sorte, on me ferme toujours la porte, à tort ou à travers. Viens voir ma vie, c'est le désert, comme un déserteur à l'heure. Avec moi, tu vas te rater un coup de chaleur. Ne me dites pas que j'ai peur, car vous et moi, ça va être le corps à corps. Je vais jouer le garde du corps, mais vous, avec moi, vous êtes mort avec mon clic, clic, clac. Quand ça ne va pas, une nouvelle violence urbaine va arriver, exploser, exploser mes rimes en France. Pas de chance, avec moi tu t'arraches, tu n'as aucune chance. Insolent depuis mon enfance, rappelle-toi de mon blason, ça va être la révolution. Pas de soupe, son lyrique est là, il ne repartira pas. Prenez vos gilets pare-balles, ne venez ici que je vous mitraille. Voilà le champ de bataille, vous serez, entendrez mon son, vous touchera d'ici ou de là-bas. Lyrique bonique avec mon fond, 36 cartouches dans vos bouches. J'ai l'inspi qui monte à la tête, ne me prends pas la tête. Laissez-moi écrire mes textes en complexe. J'écris mes quelques lignes sur un bout de feuille tout seul. Le son va déchirer, va faire le tour du monde. Ne faites pas de pile, tu ne veux pas que je vous enquille. Là je suis vénère, je vous la fais à l'envers. Tu peux faire ta prière, je te jure frère. J'ai l'inspi qui monte à la tête, ne me prends pas la tête. Laissez-moi écrire mes textes en complexe. J'écris mes quelques lignes sur un bout de feuille tout seul. Le son va déchirer, va faire le tour du monde. Ne faites pas de pile, tu ne veux pas que je vous enquille. Là je suis vénère, je vous la fais à l'envers. Tu peux faire ta prière, je te jure frère.